Salut les amis. Salut Charline. Bon, on est prêts là? Ouais, on a les sujets, c'est ah, bon. Bon. Chouette, c'est qui l'invité? C'est Isabelle Jordan. Ah. Salut les amis. Oh, salut Eric. Salut Eric. Mais attends, mais c'est qui? C'est Eric Nolo. Ah, le facho. Non, ça c'est l'autre. Ah, pardon. Mais c'est chouette que tu viennes nous dire bonjour. Oui, je venais voir surtout si vous pouviez m'inviter dans votre émission. T'es déjà venu, toi, Eric? Ouais, je sais, mais j'ai une super actu, je me disais. Ah oui, mais non, c'est pas le problème. Non, écoute, en fait, Eric, on n'a jamais invité personne deux fois. Oui, mais là, ce serait pour mon concert avec Graham Parker le 23 novembre au Bouffe du Nord. Non, mais on peut pas vous inviter, vous êtes sur RTL. Non, ça c'est l'autre. Ah, pardon. Vraiment, désolé, Eric. On viendra voir le concert avec Graham Parker, mais là. Non, mais d'une part, je rappelle que c'est le 23 novembre au Bouffe du Nord. Oui, et d'autre part, compris, je vous rappelle que je vous ai sorti du caniveau quand personne ne voulait de l'humour c'est belge. Donc il faudrait peut-être envoyer l'ascenseur mais un peu. On fait une émission d'actu, t'es pas prêt, t'as pas vu les thèmes. Si, si, j'ai étudié toute l'actu. Non, vous allez pas nous donner votre avis sur l'actu. Si, si, je suis au taquet. Ah, mais non, mais si c'est pour nous dire qu'il faut bombarder Molenbeek, non. Non, ça c'est l'autre. Ah, pardon. Bon, t'as jamais fait l'émission du soir avec Goumar, toi? Ben non. Ah bah ça c'est une bonne idée, c'est une super émission. Peut-être que lui il prend du temps avec l'invité. Pourquoi tu dis ça? Bah, peut-être que lui il travaille les livres, les concerts, à savoir. Oui, certainement, oui. Et je me pompe toujours dans la maison de la radio, c'est où son bureau? C'est loin? Juste à côté. À côté là. Juste à côté, je vais y aller, je me suis emmerdé pour pas grand chose avec vous là. Ah bah merci, bonne journée en tout cas. Ah bah voilà, bonne soirée à vous les gars. Salut. Ciao hein. Eh ben. Ah bah dis donc, quel con celui-là. Non, ça c'est l'autre. Ah pardon, il était pas parti. Bonjour la France Inter, bonjour à tous les dépravés de la Terre, vous écoutez l'émission qui envoie l'information au bistrot. Et voici les trois actualités qui vont finir bourrées, mais debout, jusqu'à 18h. Nos villes sont bleu, blanc, rouge, les capitales du monde sont bleu, blanc, rouge et les réseaux sociaux aussi. Un patron rappelle même les exilés fiscaux à revenir s'installer en France et les jeunes veulent intégrer en masse nos armées. Engagez-vous, qui disait. Nos élus cherchent des idées pour assurer notre sécurité, voilà qui donne une impression de surenchère. Une vague de sympathie aussi envers les flics nous submerge, on est à la fois en terrasse et au commissariat. Alors, des soucis? Oh, la routine. Je vous mets un petit col blanc. Ah, ça a toujours pendant le service. Les lieux de culture sont désormais hyper sécurisés. L'objectif, c'est que les visiteurs soient plus protégés que la Joconde. 4 millions d'euros ont été débloqués. Maintenant, le tout, c'est de s'y mettre. Vous n'avez pas de petits plans préparés à l'avance par hasard? Non, dommage, parce que ça gagnait du temps. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui monte sur le bureau dès qu'il voit une souris. C'est vous dire si on se sent en sécurité, à ses côtés. C'est Alex Vizorek. Mais bonjour, Charline. Et merci à Eric Nolo d'être venu faire guest dans notre conférence de rédac où, une fois de plus, il n'y avait que très peu de fiction. Puisqu'il sera bien sur la scène des Bouffes du Nord avec Graham Parker et les deux seront. Je pense qu'on l'avait compris. Les deux ça, seront Alex. Ce soir chez Laurent Goumar et ça il fallait le dire. Voilà, et autour de la table, ceux qui ont pu venir à 17h20, l'homme qui adoucit les mœurs en choisissant des musiques et qui, en les commentant, nous stresse un peu car on ne voit pas toujours où il veut en venir, c'est André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un formidable chanteur. En fait, c'est un réfugié syrien qui a réussi et qui est remixé par toute la branche étude internationale. Il s'appelle Omar Souleyman. Et on parlera aussi d'une petite danse arabe qui s'appelle le Debke. Très bien. À 17h30, elle vient nous parler série télé. La bonne excuse pour bosser une chronique dans son salon avec une bonne bouteille, c'est Juliette Arnaud. On vous a repéré. Oui, et en plus, je vais vous parler d'une série qui parle d'un temps où on n'avait pas le droit de boire de l'alcool. Oh, dur. À 17h40, mon histoire d'amour la plus difficile à vivre, car elle n'a jamais commencé. En fait, elle en aime un autre, un certain Parisien magazine. C'est Clara Dupont-Mono. Bonjour. Bonjour, Alex. De quoi va-t-on parler? Eh bien, on va parler d'un livre qui célèbre l'âme de Paris, Canaille malgré la mitraille. Allez, nous sommes accompagnés d'une dépravée de la République qui vient pervertir cette émission. Vous êtes né sous De Gaulle. Vous présentez le journal du cinéma sur Canal en 91 quand Oasis fait sa première apparition sur scène à Manchester. Vous présentez Service public sur France Inter à partir de 2006, l'année où sur la télé publique, Patrick Sébastien commence à chanter les sardines. Vous devenez directrice générale d'Unifrance Film en 2013. C'est l'année où le Festival de Cannes, présidé par Spielberg, couronne la vie d'Adèle. Et vous êtes Isabelle Jordano. Oh, yeah, et bon, et nous, on est en terrasse. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Ouais, mais c'était la fin. C'était en 68. C'était il y a pas longtemps. C'est vrai. De Gaulle, non. De Gaulle, c'est l'a gouverné jusqu'en 83, non. Isabelle Giordano. Alors moi, je suis impressionnée parce qu'on reçoit une professionnelle, en plus une professionnelle de France Inter. Donc là, déstabilisée. Voilà. Nous qui sommes des ravis de la crèche. C'était ma patronne, Charline. C'était ma patronne, Charline. C'est vrai. C'est elle qui m'a mis à l'antenne. Je vous rendez compte. C'est de votre faute. Oui. Quand on a dit on va embaucher Manoukian, je vous raconte pas la tête qu'on a fait à France Inter quand même. Alors Charline, vous êtes assis sur mon doudou et le petit bout de saucisson que j'ai laissé en 2006 d'ailleurs dans le studio. Et aujourd'hui, vous êtes directrice générale d'Unifrance Film, l'organisme qui est chargé de la promotion du cinéma français dans le monde. Et nous, qu'est-ce qu'on fait comme vanne sur le cinéma français? Moi, je défends toujours Isabelle, vraiment. Non, mais c'est bien, avec l'humour, voilà, on peut aussi faire de la promotion du cinéma. Mais bien sûr, je sais que vous êtes sensible. Vous vous appuyez là-dessus parfois, parce que vous voyagez évidemment à travers le monde, dans tous les festivals. Et j'imagine qu'on vous taquine aussi là-dessus. Comment est-ce que vous êtes accueillie en tant que représentante du cinéma français? Est-ce que ça vanne aussi à l'international ou pas, sur le cinéma français ? Il y a plutôt du respect, en fait. D'abord, quand on arrive et qu'on dit on représente la France, surtout en ce moment, vous imaginez, il y a beaucoup, beaucoup de respect. Il y a toujours quand même des images qui reviennent. Ça va de Victor Hugo à la Déclaration des droits de l'homme. Et puis pour le cinéma, on me parle régulièrement de François Truffaut. Donc, à chaque fois, je donne de ses nouvelles. Il est donc mort. C'est lui le réalisateur qui a le plus marqué le monde. Ah là là, mais François Truffaut, c'était le roi du marketing. Mais en même temps, je m'inspire beaucoup de la manière dont il a fait lui aussi la promotion du cinéma français. C'est quelqu'un qui, par exemple, passait beaucoup de temps avec les journalistes américains. Il faisait des tête-à-tête, il passait une heure avec un journaliste du New York Times en lui expliquant qu'il était peut-être une des personnes les plus importantes, etc. Mais c'est vrai que c'est très loin de la manière dont on parle du cinéma aujourd'hui. C'est pas un peu déprimant ? Est-ce que c'est pas un peu déprimant que le cinéma français à l'extérieur rime avec Nouvelle Vague et qu'il n'ait pas dépassé ce cap? Ben, on va dire que c'est un enjeu, c'est ce qui me permet justement de me dire qu'il y a beaucoup à faire pour changer l'image du cinéma français à l'étranger, pour montrer qu'il y a plein de talents, il y a plein de créativité, il y a des gens comme Gaspard Noé, des gens comme Audiard. Jean Dujardin, Marion Cotillard, pardon Audiard. Jacques Audiard, non mais c'est une grande diversité et voilà, il y a des enjeux aussi, il y a surtout un énorme géant qui s'appelle Hollywood en face de nous. On a beau être le deuxième exportateur mondial de films, on est très en dessous et c'est une guerre économique, c'est une guerre de tous les instants qui est de plus en plus dure parce que partout dans le monde, où que vous alliez, dans n'importe quelle salle de cinéma, sur 10 écrans, il y a 9 films hollywoodiens. Donc c'est une véritable bataille. Vous êtes un peu Astérix? Oui, c'est David contre Romain. Goliath, ou ouais, Astérix. C'est ouais. Non, c'est Falbala. Est-ce qu'il y a aussi une nouvelle génération de producteurs que vous citiez justement, ouais, qui fonctionnent différemment et qui peuvent changer l'image? J'ai lu dans une interview, vous expliquiez que l'image du producteur français qui est au Fouquet's avec son cigare est une vieille image. Alors la nouvelle image du producteur français à l'international ou du réalisateur, c'est quoi? Ce sont plutôt des trentenaires, plutôt installés dans le 9e, 11e arrondissement, malheureusement. Et, ouais, voilà, 11e arrondissement qu'on aime tant. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé sous De Gaulle. J'ai donc connu ces producteurs à cigares. C'était Claude Berry, le producteur à cigares. Par exemple, ou d'autres, ou Alain Sarr. C'est vrai, j'ai démarré ma carrière sur Canal et c'est vrai que le cinéma était différent à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup et je m'appuie beaucoup sur eux. Je m'appuie sur cette génération de jeunes producteurs qui produisent des films comme ceux de Gaspard Noé ou Mustang, par exemple. Mm-hmm. Voilà, hier, dans le New York Times, il y avait une demi-page magnifique sur la réalisatrice qui a fait Mustang. Et je dois dire que ce film fait beaucoup quand même pour l'image du cinéma français. Donc voilà, ces producteurs, aujourd'hui, inventent d'ailleurs des nouveaux modes de production, des nouvelles manières de financer les films sans forcément avoir ces réflexes sans argent. Forcément passer par la case chaîne de télé. De toute façon, le paysage est en train de changer en ce moment en France. On sait bien, hein, même Canal+, on ne sait pas trop, on attend, on verra s'ils vont continuer à mettre de l'argent. Vous aviez quitté Canal au moment où Vivendi est arrivé, justement. Justement, je fais partie de ceux qui sont restés dans le bateau. Ah. J'ai vu tout le monde partir, ce qui était quand même assez étrange, et je suis restée un an ou deux pour voir quand même comment on pouvait encore se battre et faire une belle émission de cinéma. J'avais envie de continuer, voilà, de voir un peu ce qui était encore possible de faire. Et alors, aussi l'association Cinéma pour tous. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots des projections débat dans les quartiers difficiles? Comment est-ce qu'on peut faire pour y aller? Comment ça fonctionne? Bah, en fait, moi, le cinéma a changé ma vie. Et je pense que le cinéma peut changer beaucoup de choses. Vous essayez de changer le monde avec de l'humour. Moi, je pense que j'y arrive pas. Hein. Oui. C'est vain. Hein, mais moi, j'y crois encore, malgré tout. Et je pense que le cinéma peut faire beaucoup pour l'éducation, pour permettre à des enfants ou à des jeunes d'avoir des repères, pour leur permettre d'avoir accès à une culture. culture générale pour leur permettre de devenir libres, tout simplement, d'avoir accès à la pensée. Et aujourd'hui, nos armes, on le sait, c'est le rire, mais c'est aussi un livre de poche, des images, des films. Et moi, j'ai toujours eu en tête l'image, quand j'étais à Canal, je me disais, j'aimerais avoir une petite roulotte et faire voilà, toute la France et parcourir la France, les petits villages, montrer des films. Et c'est un peu ça, finalement. Et bien là, avec Cinéma ma petite roulotte, tous. Avec Unifrance, je parcours le monde. Et avec Cinéma pour tous, on fait juste le tour de Paris ou dans Paris, parce que parfois, voilà, quelques arrondissements, il y a des gens qui ne vont jamais au cinéma. Et moi, j'aime bien montrer des films pour dire aux jeunes, vous pouvez espérer, vous pouvez penser, vous pouvez voir des films. C'est juste la chose la plus kiffante qui existe au monde. On est en terrasse avec Isabelle Giordano. Sur le site internet Cinéma pour tous, pour ceux qui veulent en savoir plus. Cinéma pour tous, voilà. C'est là qu'on peut... .fr, il y a tout sur internet. Voir l'itinéraire. Et ce matin même, il y avait un prix qui était remis à Latif Amziaten, qui est une femme qui était magnifiquement d'ailleurs interviewée ce midi par Claire Servagent. C'est une femme qui vient d'avoir le prix de la Fondation Chirac, qui se bat pour la paix. Suite à la mort de son fils, Imad, qui a été le premier tué par Mohamed Merah. Ouais. Et c'est vrai que Latif Amziaten passe son temps dans les écoles à dire, voilà, on peut vivre ensemble, la paix est possible entre des gens de différentes religions. Mais je pense que ce message, il passe, et il passe encore mieux avec le média, comme la musique d'ailleurs. Hein. Le média qui est le plus accessible pour les jeunes d'aujourd'hui, qui est le cinéma. On peut, grâce au cinéma, faire beaucoup. Isabelle Giordano est avec nous jusqu'à 18h. On est donc en terrasse, au bistrot, mais aussi on est au cinéma avec elle. Oui. Et avec toute la bande, on vous accompagne jusqu'à 18h, cinéma et musique. Lecteur, mais aussi si tu écoutes J'annule tout et sa bande. Mais bien sûr, mais quelle bande, mais demandez-moi qui c'est, mais je vais vous le dire. Nous avons Clara Dupont-Moreau, nous avons André Manoukian, nous avons Juliette Arnaud et nous avons notre invitée Isabelle Giordano. Et à cette heure-ci, Isabelle Giordano, vous avez toujours votre carte de presse, Isabelle Giordano, dans ben, le ça marche par année, donc là, je ne l'ai pas renouvelée, mais d'accord. Je l'ai dans les veines, si alors, j'avais écoutez. Pu me la tatouer quelque part. Mais écoute, on va vous informer, voilà, c'est le moment. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Marine Le Pen est partie furieuse ce matin de la matinale de France Inter, Patrick Cohen lui ayant prouvé qu'elle avait dit une connerie. On comprend évidemment son énervement dû à cette surprise. Marine Le Pen dit donc des conneries. Et on parlera d'une autre conséquence terrible des attentats. La chanteuse Shaim a choisi de ne pas annuler ses concerts à Bercy. Et il y aura des brèves, mais pas trop. Et on commence par la venue de Marine Le Pen ce matin dans le 7-9 de France Inter. Oui, et quand Patrick Cohen lui a demandé où elle avait entendu que Christiane Taubira comprenait les jeunes qui partent en Syrie, elle a répondu. Bon, écoutez, avez-vous trouvé cette citation ? Monsieur Cohen, on a vraiment beaucoup de chance parce qu'Internet marche encore et par conséquent, croyez-moi, l'ensemble de ceux qui nous écoutent se feront un plaisir de vous redonner les sources. Et bim, Patrick. Sauf que Patrick, il les avait, les sources. Il avait préparé son interview. Alors, écoutez, laissez-moi vous savez ce qu'on va faire, Madame Le Pen ? Non, mais va écouter cette interview de Madame Taubira. C'était à iTélé, en février dernier, au micro de Laurent Saïm. Écoutez la question de Laurent Saïm sur iTélé et la réponse de Christiane Taubira. Et on pourra juger la façon dont vous manipulez les déclarations des uns et des autres. Donc, en fait, votre émission est un tribunal. Écoutez. On avait compris, noté. Voilà, et Patrick avait évidemment raison, donc ce n'est ni un tribunal, mais ce n'est pas non plus une tribune, ça s'appelle une interview. Quelqu'un pose des questions auxquelles l'autre répond, et si l'un pense que l'autre a dit une connerie, ben il le reprend. Enfin, en tout cas... On a vraiment beaucoup de chance, parce qu'Internet marche encore. Et oui, on a merci Internet. Revenons maintenant sur les assauts d'hier à Saint-Denis. Oui, assaut qui a notamment coûté la vie à Diesel, le chien du raid. Oui, c'était un berger malinois de 7 ans. Exactement, un berger malinois. Et personne n'a trouvé bon de préciser que Malines est une ville belge. Alors oui, on fournit les terroristes, mais on fournit aussi les animaux pour les stopper. Passons aux conséquences de ces attentats. Oui, Manuel Valls a annoncé la création d'une structure pour jeunes radicalisés. Marion Maréchal Le Pen pourrait donc l'intégrer assez rapidement. Conséquence également. Finalement, la décision a été confirmée. La fête des Lumières, qui réunit chaque année des millions de personnes à Lyon début décembre, est annulée. Nadine Morano s'est dite indifférente, car étonnamment, personne n'avait pensé à l'inviter à la fête des Lumières. Parlant d'événements annulés, le monde du rock est en état d'urgence. Ah, urgence et rock. On va parler de Johnny Hallyday. Non. Les concerts de rock sont particulièrement encadrés par la police. Oui, alors que les concerts de Vincent Delerme devraient être particulièrement encadrés par un prof de chant. Voilà, et les milieux de la police et du rock ont heureusement un gros terrain d'entente. Ils pourront picoler ensemble après le concert. Voilà. Oui, et afin d'éviter tout quiproquo, signalons qu'aujourd'hui, si un groupe de rap chante « Nique la police », c'est parce qu'il a très envie de faire l'amour à la police. Il est simplement recommandé au groupe de rap en concert d'éviter de lancer à la salle « On va mettre le feu !» D'ailleurs, les briquets étant interdits à l'entrée des salles de concert, pendant les slows, vous pourrez tendre votre cigarette électronique. Voilà. Autre info, nous en parlions hier, la commune belge de Molenbeek est jumelée avec Levallois-Perret, qui a beaucoup énervé Isabelle Balkany. Elle demande d'ailleurs d'annuler ce jumelage. Oui, et du côté de Molenbeek, on se dit soulagé de ne plus être assimilé aux Balkany. Spectacle encore. Shaim a courageusement décidé de maintenir son concert à Bercy. Oui, mais il a été émaillé d'un incident, voulant sans doute jouer les rockstars. Shaim, sans prévenir, a couru sur scène vers son public, a sauté et le public s'est écarté. Voilà, sauté tout seul dans le vide, sans toucher personne. Le terroriste belge du Stade de France fait déjà des émules. Et on termine par une brève. Oui, je vous lis le titre. Sans permis, il prend un policier en stop et se fait un rail de coke. Un homme de 36 ans qui voulait être gentil en prenant en stop quelqu'un qui n'était autre qu'un policier en civil. Voilà, et comme il était sympa, l'homme lui a confié qu'en fait il roulait sans permis avant de se faire une ligne de poudre blanche. Et vous savez quoi ? Non, allez. Ce salaud de flic l'a foutu en garde à vue. Soyez sympa avec les flics. Et voilà, comme quoi en civil, les policiers font déjà du zèle. Allez, vous êtes sur France Inter avec Isabelle Giordano, directrice générale d'Unifrance Film. Et avec vous, on va retrouver la journaliste qui est en vous, Isabelle Giordano, avec le premier sujet. On vit aussi en ce moment une bouffée de patriotisme, de drapeaux tricolores, des couleurs avec lesquelles les Français entretiennent un rapport un peu schizophrène, entre fierté et honte de la récupération frontiste. On est, comme qui dirait, tiraillé dans notre rapport au drapeau et au patriotisme. Je voudrais simplement que tu t'excuses de quand tu t'es amené sur scène, habillé en prélude 14, en une médaille militaire que tu n'as jamais eue, et puis en disant les anciens combattants, il y en a marre, c'est des vieux cons. C'est pas des paroles à dire, ça, mon pote. J'ai parlé du mal des anciens combattants. J'ai dit du mal de la guerre. Alors si vous êtes pour la guerre, on peut discuter. Moi, je suis contre. Maintenant, si vous aimez les médailles, je m'en doutais que vous aimiez ça. Je vous en ai acheté parce que c'est en vente dans le commerce. Et je vous en ai amené une de chaque. Voilà. J'espère que vous n'en manquerez plus. Allez, monsieur, ça me fait plaisir de vous les offrir. Le connu avait des limites. Et à la mémoire de mes camarades comiques morts en se faisant chier, essayer de vous faire rire, je vous crache au cul, monsieur. C'était droit de réponse. Eh ouais. Eh oui. Enfin, non, on n'est pas encore allé jusque-là, hein, je vous rassure. Il s'appelle Giordano. Voilà, on est tiraillé entre ce drapeau qui a été récupéré en 72 par le Front National et qui pourtant, au départ, un drapeau, c'est l'issue de la Révolution, des valeurs progressistes, etc. Est-ce que aussi vous vous sentez un peu tiraillé? Vous avez un rapport particulier au drapeau français? Pas du tout, comme tous les gens qui ont un nom bien français, Giordano. Moi, je trouve que ce drapeau est formidable et on devrait écrire « Vive la France » sur toutes les bagnoles. Les Américains, à notre place, ils auraient déjà des petits drapeaux américains partout, dans la rue, au balcon, etc. Les Anglo-Saxons, d'ailleurs, ils se drapent même dans l'Union Jack, ils en font des robes. Donc, moi, vous, une robe à la Yvette Horner, ça... Volontiers, c'est vrai. Non, mais plus on dira « Vive la France », mieux ce sera. Et je pense que je le disais en blaguant, mais c'est vrai que parfois, c'est étrange, mais c'est ceux qui sont récemment français, qui sont plus français que les Français de souche. Mmh. Donc, je trouve que c'est très bien qu'il y ait ce revival patriote. Et puis, c'est vrai que c'était touchant aussi de voir l'autre jour le stade de foot de Wembley, bleu, blanc, rouge, l'opéra de Sydney, je crois. Mmh. C'était incroyable. Alors, dans le foot, c'est quand même, les gens sont quand même plus coutumiers de voir le drapeau, etc. Ouais. C'est juste que là, le drapeau déborde du stade de foot et le monde entier affiche les couleurs que nous, parfois, on n'osait pas forcément afficher. Ouais. Je ne sais pas si autour de cette table, le drapeau français, c'est quelque chose... Mais ça conduit quand même pas que à des comportements charmants, intelligents, bienveillants pour les autres. Cette histoire de drapeau, vous citez les États-Unis, oui, le fait qu'ils soient à fond sur leur drapeau, ça ne les conduit pas à être particulièrement ouverts avec les gens qui viennent chez eux non plus. C'est pas l'amour du drapeau, l'amour immodéré du drapeau. Mais l'idée, c'est que autant se le réapproprier, on peut reprendre un tournant. Mais oui, il faut pas le laisser aux autres. Surtout, là, il a une valeur spéciale. Je suis rentré chez moi, là, j'étais un petit peu à l'étranger. Je reviens de... De Syrie, donc? Non, je reviens de Strasbourg. Effectivement. Et j'ai vu un flic en régie, qu'est-ce qui se passe? Non. Un tag bleu, blanc, rouge. En bas de chez moi, mais magnifique, avec écrit amour dessus, et je trouvais que tout d'un coup que ce drapeau tagué sur les murs prenait une valeur quasi révolutionnaire. Ouais. Et ça faisait du bien à voir. Non, mais surtout, on peut aimer son pays et vouloir l'ouvrir. Mm-hmm. On peut aimer son pays et pas être con. Non, mais sur Twitter, pour ceux qui ne les ont pas vus, les dessins de Jean-Charles de Castelbajac sont magnifiques. Mmh. Il y en a un bleu, blanc, rouge avec deux jeunes et il dédie ça à la jeunesse française. Pour ceux qui ne les ont pas vus, regardez, c'est vraiment très beau ce qu'il a fait. Et pour ceux qui se sentiraient encore un petit peu mal à l'aise avec le drapeau tricolore, il reste la marinière, hein, ou le mixeur Moulinex, éventuellement. Voilà. Mais c'est un petit peu plus encore Arnaud. Il nous reste Arnaud, quoi. Évidemment. Isabelle Giordano, il paraît que vous avez tout appris à André Manoukian, donc à faire des c'est très longues chroniques. Allez, plongeons dans une chronique de André Manoukian. La démocratie moderne est née dans les pays du Nord parce que les protestants interdits d'icônes, de statues, de vitraux apprenaient la Bible en chantant. Et quel chant? Le chant choral, où on s'exprime en écoutant l'autre à côté de vous chanter une voix différente. Donc on est obligé de l'écouter avec attention pour soi-même, produire une parole différente. Et c'est ça, finalement, le chanter ensemble qui va donner le vivre ensemble. Aujourd'hui, dans le cadre, justement, de ce vivre ensemble qu'il est urgent de récupérer, penchons-nous sur le danser ensemble. Les musiciens en Occident étudient de plus en plus les rythmes qui viennent de l'Orient. C'est pour ça que ce qui vient de se passer, c'est juste un accident idiot et affreux, mais qui est à contresens de la réalité de ce qui est en train de se passer. Ces rythmes complexes, on est en train de les découvrir parce qu'ils sont juste sublimes, parce qu'ils sont drôles, parce que ce sont de nouveaux jouets avec lesquels on s'amuse. Ils s'appellent des rythmes à la tourka. En fait, ce sont des mesures bien plus complexes que nos 4-4 ou nos 3-4. Nous, on a en gros un rythme à 3 temps, c'est la valse, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou alors le rock, 1, 2, 3, 4. Ils ont des rythmes à 5, à 7, à 9, à 11, à 13. Là, Churchill dirait, mais déjà qu'il disait comment on fait pour diriger un pays où il y a 400 fromages, comment on fait pour des rythmiques qui sont innombrables et pour jouer ensemble. Eh ben, on décompose. Un rythme à 5 temps, par exemple, baisse un tout petit peu, Ben, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Au lieu de compter 1, 2, 3, 4, 5, on fait 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Et tout d'un coup, on se met à groover. Alors on va faire un rythme à 7 temps, par exemple, ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Donc imaginez quand vous jouez au Moyen-Orient, déjà que chez nous, on a du mal à frapper en rythme, mais là-bas, vous entendez des foules qui font cac, cac, cac, donc tout d'un coup, on se retrouve avec une dynamique un petit peu comme la roue des pierres à feu, vous savez, ces roues qui sont carrées, et puis il y a quelque chose d'éminemment syncopé et de limite légèrement sexuelle, qui est très dynamique. Alors, dans nos sociétés occidentales, les danses collectives ont été abandonnées pratiquement au 19e. La dernière danse qu'on a inventée, c'est le quadrille. Ça se dansait à quatre, c'était au 18e siècle. Après, il y a eu les danses de couple, la valse à la fin du 19e, le tango et le rock au 20e. Et pour finir, à la fin des 60s, très loin de là où, enfin, presque là où est née Isabelle, mais Isabelle est plutôt née dans les années 70, mais à la fin des 60s, on danse tout seul dans les boîtes en se regardant dans des miroirs. Là, c'est le vrai début de la décadence au sens Gainsbourg du terme et de l'ego trip masturbatoire. Parce que quoi, danser tout seul devant sa glace, c'est pas très funky. Après, vous avez vu dans nos mariages comment ça se passe. La seule danse collective que l'on pratique, c'est quoi? Putain, c'est la chenille, les la gars. La danse des canards. Mais ouais, c'est la tristesse. Ou alors, il y a des petites jeunes qui disent « Ah, nous, on va danser le Madison et tout. » Vous allez en Orient. Lors d'une fête, tout d'un coup, il y a un homme qui se lève et qui attaque des pas. Il va être aussitôt rejoint par d'autres danseurs qui se prennent le bras en ligne. Des garçons et filles sont mélangés, jeunes et vieux. Celui qui a commencé est le meneur, il s'appelle le Ras. Il mène la danse, les autres suivent ses pas. Alors il donne des coups de pied au sol comme ça pour scander, pour reprendre de l'élan. Coup de pied en arabe, ça se dit debke. Et l'origine de cette danse villageoise, le debke, en fait, qui s'est répandue dans tout le Moyen-Orient jusqu'en Grèce, qui va devenir le sirtaki, elle viendrait du 15e siècle. Celui qui avait fini de construire sa maison pour aplanir le toit qui était fait en terre et en branchage, il demandait l'aide de ses voisins et tous avançaient alignés en se tenant la main. Rien de plus beau. Vous allez sur YouTube, vous tapez Debke et vous regardez comme il y a quelque chose d'émouvant à voir un collectif dansant qui tricote avec ses pieds un sens de la fête à nul autre égal. Ces sociétés sont joyeuses, elles sont mixtes, elles sont insouciantes. Ces gens qui dansent ensemble, ces trans joviales, sont les premières victimes des intégristes. C'est pourquoi j'ai choisi aujourd'hui un chèque improbable. On dirait Frank Zappa dans la pochette de Chèque Yerbouti, sauf que lui, il est au premier degré. Il s'appelle Omar Souleyman. Il vient d'être élu par l'avant-garde londonienne comme le nouveau grand chaman du dance floor et les meilleurs fakirs électriques remixent ses titres. Fortet, Giles Peterson, Mode Selector. Ce chanteur de mariage, chassé d'Assaké au nord de la Syrie par les avancées de Daesh, découvre la branchitude internationale en exil. À 50 ans, il est maintenant à la tête d'une armée de fêtards internationaux dont les abdos libres et dansants sont la meilleure réponse aux ceintures d'exclusion explosifs sur les ventres des idiots. Alors qu'importe si vous avez du mal avec le debke, retrouvez nos danses villageoises qui sont restées des danses collectives. Il y a plus de 30 danses bretonnes, presque autant dans le Berry, bon c'est moins funky que le Madison, mais dans l'ensemble, dansez ensemble, accrochez-vous, on se prend dans la main et puis voilà, et puis on remue un petit peu la le ventre. Clara veut pas me donner la main. En attendant... Vous faites l'apologie de la bourrée. Clara, tendez la main. La bourrée cosmique internationale. Voilà. Il s'appelle Omar Souleyman et comme dirait Marine Le Pen, yalla. شفافي مصيت شفافك علقني شفافي هي هي نومة هانية نامي بحضيني نومة هانية القلب حبك ما هو بدي القلب حبك ما هو بدي Alhamdoulilah, comme c'est bon ça! Omar Souleyman, c'est oui, voilà. Donc ça s'appelle le Debke, cette danse. Et c'est du Madison vous alors. Vous l'avez compris. Je milite pour le retour des danses collectives, pour le dansons ensemble, très buvons ensemble, jouissons ensemble, enfin bon, tout ça ensemble. Voilà, Alex Vizorek, c'est un musical qui place toujours le mot sexe quelque part. Toujours. Isabelle, est-ce que du temps où André travaillait avec vous, sa force était déjà la précision dans les chroniques? Parce que tout à l'heure, il nous a cité Churchill qui a dit on ne peut pas diriger un pays qui compte 400 sortes de fromage. Et la phrase est presque vraie. C'est de Gaulle, non? Sauf que c'est une phrase aussi de De Gaulle. Donc ni la phrase ni l'auteur étaient bons. Et les chiffres non plus. Ah oui, un pays qui produit plus de 365 sortes de fromage ne peut pas perdre la guerre. Mais on voit ce que vous vouliez dire. La phrase est de Churchill et De Gaulle l'a reprise. Ah, excusez-moi, appelez Patrick Cohen immédiatement, il vérifiera parce que lui il a des sources. Non, mais c'est piégeant avec Manoukian parce qu'il va dire que c'est Aristophane qu'il avait dit et en fait les deux ils ont copié. Ah, Isabelle Giordano, regardez ce qu'est devenu France Inter. Hein, une grande approximation. Ça, tout va à volo, écoutez. On est en terrasse, au bistrot et on est avec Juliette Arnault aussi. Oui, alors. Oui, ça veut dire que c'est à vous. Oui, j'ai bien compris. Vous l'avez ressenti, ça. Alors, sachant que je ne souffrirai pas d'une erreur. Concentrez-vous, quelle série finit avec cette chanson comme bande son? Oui, c'est un petit peu du rock américain de bourrin. Madison. C'est une série des années 80, ça. Hein, c'est une série des années 90. Mais qu'est-ce que c'est? Donnez un indice. Ah, c'est la plus grande série au monde. Friends. Falcon Crest. Oh. Très bien, c'était Les Sopranos. Ah, 6 saisons, 86 épisodes, écrite cette série par David Chase. Où les Sopranos, c'est comment Tony Soprano, le mafieux un peu beauf, assez gros, sans sourire ultra bright, mais pourtant parfaitement irrésistible, à la psyché fragile, restera patron du New Jersey et de sa famille. Et voilà qu'arrivait la dernière scène du dernier épisode de la dernière saison, avec la chanson donc qu'on vient d'entendre. Alors c'est une scène extrêmement banale, la famille de Tony se retrouve dans un dinner, Tony met de la musique sur le jukebox, il met donc cette chanson, Carmela, sa femme, arrive ensuite, puis le fiston, Anthony Jr., Meadow, la fille chérie, est en retard, elle est en train de galérer à faire un créneau, ils se disent des banalités, la chanson continue, plan sur un homme seul au bar, Tony le regarde, on frémit, parce que quand Tony Soprano regarde un mec, on frémit, rien, le mec va aux toilettes, la porte du dîner s'ouvre sur la fille qui est nulle en créneau, dernier plan sur Tony qui regarde entrer sa gosse, un dernier « Don't stop believing », la musique coupe brutalement, l'image aussi, noire, fin, générique. Moi et une pelletée d'autres, assommés sur nos canapés ou dans nos lits, partagés entre « Mais t'es pas sérieux, David Chase ? C'est quoi cette fin anti-spectaculaire et sans morale ?» et « Oui, David Chase, t'es un génie, mec !» Et puis juste après, le puissant, terrifiant sentiment d'être orpheline, puisque désormais privée de la famille Soprano. J'avais déjà connu ça avant avec les Rougon-Macquart. La colère que ça m'a fait lorsque j'ai pigé que je les avais tous lus. Il y en a plus. Zola est mort. Mais qu'est-ce que je vais devenir? J'avais juré donc, après Les Sopranos et Les Rougon-Macquart, qu'on ne m'y reprendrait plus, que c'était fini de s'attacher comme une quiche et de se faire arracher le cœur pour se retrouver abandonné. Et puis, Boardwalk Empire est arrivé. 5 saisons, produites par Scorsese, créées par Terence Winter, et j'ai replongé bêtement. Alors, Boardwalk Empire, c'est Splendeur et Misère de Nucky Thompson, incarné par Steve Buscemi, patron officieux puisque mafieux d'Atlantic City pendant la Prohibition, qui pratique le trafic illégal d'alcool comme je pratique le macramé, et qui transforme la petite bourgade provinciale d'Atlantic City en Sodome et Gomorre. Mais attention, hein, Sodome et Gomorre, sympa, avec de la musique super, puisque l'âge d'or du jazz s'est annoncé, Cotton Club, Harlem, tout ça, tout ça. Voilà, ce genre de musique. Donc Boardwalk Empire, c'est la version romancée de la vie d'un type qui a vraiment existé, qui a vraiment tenu Atlantic City, qui était co-religionnaire de Charlie Luciano, Major Lansky, Arnold Rothstein, Al Capone, Bugsy Siegel, Joe Kennedy. Quoi, c'est pas un malfrat le père Kennedy? Si, quand même un peu. Boardwalk Empire, c'est la reconstitution historique flamboyante des années 20, puis début 30, avec une mise en scène inventive des acteurs ultra capés. Et puis, il y a beaucoup des sopranos dans Boardwalk Empire. Il y a la mère, jamais loin. Ça, c'est la nature à côté du vice, c'est important. Il y a Steve Buscemi, qui était déjà dans Les Sopranos. Un vrai sens de l'onirisme. Et puis, il y a le thème de la famille. Car si Nucky est sans enfant, il a un frère et des neveux, un père, des femmes, à défaut de la femme. Et se pose la même question. La famille est-elle compatible avec des activités délictueuses? D'autant que, comme un héros grec, Nucky semble victime d'une malédiction. Tenté par l'idée de transmettre, transmettre à défaut de procréer, chaque tentative dans ce sens se solde par un échec. Malheur à ces jeunes padawans. Bordeaux Hawking Empire, c'est une nouvelle famille de cinglés, de dégénérés, d'âmes perdues, tous plus ou moins immigrés de fraîche date, irlandais, italiens, juifs d'Europe de l'Est, prenant d'assaut cette jeune Amérique qui ne se donne pas forcément très facilement si on s'en tient aux lois. Bref, si vous êtes orphelin, si les Sopranos vous manquent, si vous n'avez pas peur de tomber amoureux et de souffrir atrocement du manque, allez! Allez, allez où? Allez à la Bordeaux Empire, c'est la promenade du bord de mer. Juliette Arnaud sur France Inter, merci. Isabelle Giordano, ça vous laisse le temps un petit peu, votre poste de directrice générale d'Unifrance Film, de regarder quelques séries, parce que c'est quand même assez chronophage, et avec tous les films à voir. Oui, non, voilà, moi je vois beaucoup de films, et j'aime toujours autant aller au cinéma. Récemment, moi j'ai vu L'Hermine qui vient de sortir, que j'ai vraiment trouvé bien avec Fabrice Luchini, très touchant. Mm-hmm. Et non, j'avoue que je suis pas très série. Et clairement, c'est une vraie position maintenant. Oui, vous qui défendez le cinéma, c'est quand même, les séries marchent un peu dessus quand même. Oui, tout à fait, mais tant mieux, parce que c'est vrai que ça a été un creuset incroyable. D'ailleurs, il y a plein de réalisateurs de cinéma qui travaillent pour les séries maintenant, ce sont des mondes qui ne sont pas du tout étanches. Et puis c'est vrai que là, la série des Sopranos dont vous parliez, c'est vrai que ça a inspiré quantité de réalisateurs, donc je pense que c'est bien. L'inverse est vrai, c'est Scorsese. Ça a secoué un peu le cocotier, parce que c'est vrai que le cinéma avait un peu tendance à s'endormir, même certains cinéastes français avaient tendance à faire, voilà, ronronner, faire un peu toujours les mêmes films. Donc tout ça, ça a un petit peu secoué tout le monde, et y compris, là encore, sur les modes de financement, la manière de produire. Il y a des nouveaux acteurs maintenant qui s'appellent Amazon, Netflix, qui ne sont pas forcément des gros méchants loups, mais avec lesquels on peut peut-être envisager de produire aussi de belles choses, éventuellement. Est-ce que la politique produit de belles choses? On va voir ça tout de suite avec vous, Isabelle Giordano. Le deuxième sujet, comment distinguer gauche et droite dans le débat sur la sécurité? Quand on est à droite, il faut avoir des idées encore plus sécuritaire que la gauche. En ce moment, c'est pas facile. Il n'y a qu'une frange des écolos pour remettre en question l'état d'urgence. C'est vrai que c'est aussi un état d'esprit. Bonsoir, monsieur l'agent. Êtes-vous certain que je roulais trop vite? Permis de conduire, s'il vous plaît. Oui, je vous le donne tout de suite. Et c'est curieux ce qui m'arrive, mais la nuit dernière, j'ai rêvé que je me faisais arrêter par un charmant officier de police. Et ensuite, enfin, il vaut peut-être mieux que je ne vous dise pas la suite. Votre permis, madame? Oui. Tenez, voilà, je vous le donne, officier craquant. C'est craqueur. Ah, je suis désolée, je n'avais pas bien lu. Waouh, vous êtes très belle sur cette photo. Oh. Ah, je parie que vous êtes Gémeaux. Non. Taureau. Non. Vierge. Non. Sagittaire. Oui. Ah, je le savais, je le savais, je le savais, c'est génial. Le regard a changé sur les flics, vous ne pouvez pas, depuis quelques temps. C'est un extrait de Friends. Ouais, c'est ça, c'est Jennifer Aniston, ça, c'est la deuxième. Voilà. Alors, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut renforcer les dispositifs sécuritaires dans notre monde politique. Du coup, le clivage gauche-droite s'effondre. Alors, qu'est-ce qui distingue encore un peu les deux? Est-ce que vous vous y retrouvez, vous, Isabelle Giordano, dans ces discours sur l'état d'urgence où chacun doit apporter ses idées pour la sécurité? La gauche, finalement, utilise des idées qui se trouvent à droite, voire très très loin à droite. Bah, finalement, c'est peut-être une bonne chose, parce qu'on passe beaucoup de temps aussi à dire que les Français, ce qu'ils aiment, c'est justement voir quand la droite et la gauche se réunissent et ont des idées en commun. Je pense qu'il y a une majorité silencieuse de gens qui n'aiment pas cette opposition, même s'il y a quand même de vraies différences entre la droite et la gauche. Mais c'est vrai que sur des thèmes régaliens très forts, et puis comme... Voilà, je pense qu'il y a forcément de très bonnes idées qui ont été émises et elles doivent être acceptées. Par exemple, les policiers qui seront autorisés à porter une arme en dehors du service. Ça fait un peu flipper, c'est sûr, mais ouais. Pourquoi pas, ouais. On nous prouve par A plus B que c'est une bonne mesure et que ouais, je veux y croire. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a Noël Mamère qui dit OK pour le renforcement du renseignement, de la police, mais pas pour la prolongation de l'état d'urgence. Est-ce que la liberté individuelle, pour certains, vous comprenez que ça ne se discute pas? La liberté, c'est la liberté, point. C'est un sujet de philo, là. C'est le bac. On peut prendre un joker, si vous avez 4 heures. Moi, ce qui m'amuserait, c'est que si on vous avait posé la question il y a 10 jours sur le policier en civil qui peut avoir son arme, est-ce que vous auriez répondu la même chose? Parce que c'est un peu l'occasion qui fait le larron ici. Très honnêtement, oui, je pense que j'aurais dit non, surtout pas, etc. Je veux un flic avec moi tout le temps. Avec un... C'est une question qu'on va reposer tout à l'heure avec le fonds qui est débloqué par le ministère de la Culture pour sécuriser les lieux de culture, qui sera notre troisième sujet. Et on peut aller au cinéma en toute sécurité quand même. Aller au cinéma. On doit. Oui, oui, on vous encourage à l'opéra, au resto, on l'a dit plein de fois, mais il faut le redire. Lire un livre reste encore l'activité la plus sécurisée. Ça dépend en même temps. Ça veut dire que vous auriez une petite chronique ? Mais par exemple, mais quelle transition, puisque l'actualité, on en parlait, c'est évidemment Paris, ensanglanté par les attentats de vendredi dernier. Et alors, parce que ce sont ses lumières qui ont été visées, sa jeunesse, son art de vivre, alors, j'ai là un livre spécialement pour ces pisse froids de fanatiques. Il s'appelle « L'âme de Paris » et il est signé Marie-Hélène Westphalen. Il est paru aux Arènes. Et ce livre, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il condense tout ce que les barbus détestent. D'abord, il est beau. C'est un beau livre avec des documents à déplier. Il y a des citations, il y a des photos, il y a des dessins. Et en fait, tout ce travail sur Paris couvre la période 1880-1980. Et c'est comment Paris a vibré durant ce millénaire. À quoi ressemblaient ses cafés, ses concerts? À quoi ressemblait ce salon en plein air sous les étoiles, comme l'a qualifié le peintre André Masson? Ça, c'est la deuxième chose que les barbus détestent et qui est mis à l'honneur dans ce livre, c'est la fête. La fête parisienne, Paris est une fête, c'est le titre du livre de Ernest Hemingway qui s'arrache en ce moment. Depuis les attentats, il s'en vend 500 exemplaires par jour, exactement comme ça s'est produit avec Voltaire au lendemain des attentats de Charlie. C'est parce qu'une petite madame a répondu à une interview. Voilà, c'est parti d'une petite dame adorable, oui, exactement. Qui a dit qu'on aimait tous les musulmans, sauf les quelques-uns qui faisaient de mauvaises choses et qu'il fallait lire ce livre. Et du coup, c'est parti d'un coup, donc 500 par jour, il y a une réimpression qui vient d'être lancé de 15 000 exemplaires. Et donc, on est très contents. Ça aurait pu être Capitale de la douleur de Paul Éluard, mais c'est Paris est une fête. Et donc, ça en dit assez long. L'âme de Paris, d'ailleurs, ce livre, c'est un peu le pendant visuel de Paris est une fête. Par exemple, on y voit les terrasses de café. Alors là, le livre montre une grande image qui date de 1900, avec la description d'une terrasse par Alfred de Musset. Je cite, « À 8h30, 100 estomacs digèrent et 100 cigares brûlent. Les chapeaux sont de travers. C'est le beau moment. » Et après, qu'est-ce qu'on fait après le café ? Eh bien, on va dans une salle de spectacle. On va aux Folies Bergères, par exemple. Le livre montre les fameuses petites femmes de Paris. Magnifique pécheresse, hein. Et en 1898, le guide des plaisirs de Paris, parce que ça existait, je suis sûre que vous en avez un exemplaire, André Manoukian. Bien sûr, bah oui. Je cite, une armée de jeunes filles sont là pour danser ce divin chahut parisien comme sa réputation l'exige. Voilà, c'est quand même mieux que les 11 000 vierges. En parlant de vierges, les filles de Paris ne le sont souvent plus, et oui, il y a les estaminets, c'est ça, très glauques, où la passe est à 5 francs et 25 centimes. Vous seriez rentré dans vos frais. Il y a aussi... Attendez, expliquez-nous les estaminets, c'est-à-dire... C'est un bar les maisons... ou... En fait, ce sont les bars qui font maison close. Ah, d'accord. Mais il y a aussi le One Tutu, qui était au 122 rue de Provence à Paris, qui était la maison close la plus luxueuse de Paris. À l'époque, d'ailleurs, on disait boutique de frivolité. Et alors, au One Tutu, il y a des chambres très recherché, je sens que je vais vous faire rêver André Manoukian, ouais. Mais il y avait un couloir de wagon avec des compartiments, ah oui. Et derrière les fenêtres, un paysage en toile défilait et de gros ressorts secouaient le wagon en cadence, comme si le train avançait, et c'était une des chambres les plus recherchées du One Tutu. Alors tout ce spectacle se joue parmi les lavandières, les premières voitures, les premiers grands magasins, et les gamins dont le jeu favori à Montmartre en 1930 est la chasse aux barbus. Véridique, Marie-Hélène Westphalen cite l'écrivain Robert Sabatier, l'auteur des allumettes suédoises, qui raconte le jeu de son enfance, c'était courir dans les rues et crier « Qu'est-ce qui pue ?» dès qu'il voyait une barbe. Alors, bien sûr, il s'agissait des gars qui n'étaient pas passés chez le barbier, mais aujourd'hui, ça prend une résonance un petit peu bizarre. Ce paysage, cette âme parisienne, ne serait pas complète s'il n'y avait pas la nuit, bien sûr. Elle bat son plein, elle battra encore son plein, canaille, malgré la mitraille, on l'a dit. Il y a le Bataclan, créé en 1864. Il y a le Sphinx, le Bus Palladium. Marie-Hélène Westphalen cite France Gall, qui chante en 1977, ce qui résonne à nous en 2015. Je vous redonne les références. L'âme de Paris de Marie-Hélène Westphalen est parue aux Arènes et vous retrouvez cette chronique dans le Parisien Magazine à paraître demain avec un dossier bien sûr spécial attentat. Oui. Ce que dit Clara, c'est pas Paris est une fête, c'est Mossoul est une fête. Ça me fait penser à une exposition qui va se tenir pas loin d'ici, d'ailleurs au musée du Quai Branly. J'ai entendu Stéphane Martin ce matin, le directeur, qui parlait de robes brodées, colorées que portaient, il y a quand même peu de temps, hein, quelques années, les femmes de Mossoul, des juives, des chrétiennes, des musulmanes, et ce sont des robes magnifiques de toutes les couleurs et qui seront exposées bientôt au musée du Quai Branly. Voilà, une chronique commune. Clara Dupont-Mono, Isabelle Giordano. Mossoul est une fête, ça fait... Ouais, non, ça bah fait bah un bah évidemment. De... Ouais, oui. Et à Kaboul à facettes aussi. Mais vous vous rendez compte, Charlie, que Paris est une fête, avec ce livre le plus vendu en ce moment, c'est extraordinaire qu'un livre... de manifeste. C'est Ernest Hemingway à l'honneur, comme l'a été Voltaire, c'est extraordinaire. Mais justement, la culture comme acte de résistance, parlons-en avec vous dans le troisième sujet. Un fonds d'aide de 4 millions d'euros est débloqué pour sécuriser les lieux de culture. On n'entrera plus de la même façon au concert, au cinéma ou au musée. C'est pour ça qu'on les appelle Tour d'Ivoire. C'est bien pire que tu ne crois. Le terminal est verrouillé en chambre forte hermétique. L'unique personne autorisée à y pénétrer doit passer toute une série de contrôles de sécurité. Le premier est une identification par empreinte vocale avec code d'accès à 6 chiffres. Ça ne lui permet d'entrer que dans la salle intermédiaire. Puis il faut qu'il passe une exploration rétinienne. Enfin, les mécanismes anti-intrusion ne peuvent être neutralisés que par une double clé électronique codée. Et tu crois vraiment qu'on peut réussir ? Nous allons réussir. Eh oui. Est-ce mission impossible de rentrer bientôt dans les musées, les cinémas ? Eh oui, évidemment. Alors, mais non, parce qu'on lisait ce matin dans Libération, vous l'avez lu aussi, Isabelle Giordano, puisque vous, je rappelle, vous êtes directrice générale d'Unifrance Film. Il y a un reportage, 18h hier à l'UGC Ciné-Cité Les Halles, qui est le plus grand cinéma d'Europe, 27 salles, un peu moins de 4000 places. Hier, les spectateurs étaient peu nombreux. La grille est baissée et l'on pénètre par un seul point de passage où 4 gardiens demandent à voir les sacs. Et un petit peu plus loin... Une cinéphile répond « Oui, on est venu ici pour se changer les idées. » Est-ce que c'est là tout le résumé, le dilemme, le tiraillement de ce qu'on vit en ce moment ? Oui, et puis il ne faut pas exagérer. Bien sûr qu'il faut continuer d'aller au cinéma, se changer les idées. Et puis, il y a plein de pays où quand même, c'est beaucoup plus dangereux qu'à l'UGC Cinéléa, là, quand même, d'aller au cinéma. Moi, dans mes voyages, je me rappelle avoir montré Timbuktu dans certains pays où effectivement, ce n'est pas toujours facile, pas toujours évident de faire exister un film comme celui-ci ou d'en faire exister et d'autres. Voilà. Il y a juste que si votre voisin décapsule une canette de coca, hop, faut vous planquer sous le siège. Ça, j'ai vu dans ma salle, il y a quelqu'un qui s'est levé, le siège a fait tac-tac, ah oui, tout le monde s'est retourné. Oui. Là où vous jouiez, il y avait le lendemain de... C'était quelqu'un qui partait en cours de spectacle. Peut-être, je pense que pas. C'était ça, mais non, c'est vrai que tout le monde s'est retourné, c'était un bruit, les gens étaient quand même attentifs au bruit. Vous, André, les concerts qui s'annoncent, parce que vous jouez beaucoup en concert, comment ça se fait, ça s'aborde, il y a les directeurs de salle qui vous appellent ou... Bah hier, j'ai joué à la cathédrale de Strasbourg avec Léna Chamamian, une chanteuse syrienne et un joueur de doudouk arménien. Bon, on n'a pas pu faire la balance parce qu'il y a un idiot qui a oublié son sac, donc ça a été alerte parce que colis suspect. Alors, ça met un certain climat. Et puis après, par contre, quand on joue de manière beaucoup plus intense finalement, nous-mêmes les musiciens. Et les gens à la fin viennent nous voir en nous disant « Oh là là, merci, ça nous a fait un bien incroyable ». Donc tout d'un coup, il y a quelque chose de plus vrai, de plus intense, et la musique ne fait que rapprocher les gens, mais là les gens ont besoin de ça en ce moment, c'est super. Isabelle Giordano. Et dans 3 jours, il y a un super concert à Paris, je sais pas si André sera d'accord avec moi, c'est Alexandre Desplat, la Philharmonie de Paris, qui va faire donc une espèce de grande masterclass et surtout un medley de toutes ces musiques de films, et moi j'adore Alexandre Desplat. Vous devriez être ministre de la Culture, vous avez conseillé un concert, vous avez conseillé un musée, une expo, tout va bien, autre chose, un film. Mais oui, c'est ça. Et ça, ambassadrice de la culture. Mais oui, voilà, effectivement, mais évidemment. Voilà, la culture comme acte de résistance. Vous me prenez enfin, comme ça, adjoint, c'est pas Isabelle. Moi, je vous suis. Il est toujours se placer, partout. Celui-là. Mais non, mais bon. Mais on parle moins de sexe quand on va présenter des films français à Moscou, à Tokyo, etc. Je on ne peut pas parler de sexe Isabelle, autant que d'érotisme. André Manoukian. Et peut-être que le cinéma français, là, va s'emparer de tout l'art de vivre à la française pour l'exporter à travers le monde. On souhaite. Alex Vizorek, vous avez une proposition indécente à faire à notre invité, comme en chaque fin jour. En fin d'émission, on propose toujours un sketch. Et c'était pas un hasard si je vous ai demandé si vous vouliez être ministre de la Culture. Dans le sketch, si vous l'acceptez, vous seriez Fleur Pellerin, qui prépare avec Cazeneuve et Valls la protection de tous les endroits culturels en France. J'essaye. Bernard, Fleur, il faut tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des Français. Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Soyez assuré que je fais tout ce qui est en mon pouvoir. C'est très bien, mon petit Bernard. Et vous, Fleur, vous allez protéger la culture ? Ah oui, ça, je me protège beaucoup de la culture. Ah bah oui, c'est le principe. Les gens sont bien au courant. Non, quand j'ai dit protéger la culture, par exemple, les bibliothèques. Les quoi ? Les bibliothèques. C'est là où on range les livres. Ah oui, pas de problème. Avec les livres, je garde toujours un périmètre de sécurité. Je vais m'occuper, moi, des bibliothèques. Très bien, mon petit Bernard. Fleur, est-ce que vous avez protégé les musées ? Ah, les musées, je sais ce que c'est. Mais très bien. Est-ce que vous avez protégé Pompidou ? Pompidou ? Pompidou est vivant ? Non, le centre Pompidou. Ah d'accord, vous m'avez fait peur. Je protégerai Pompidou, laissez tomber. Très bien, mon petit Bernard. Bon, quoi d'autre ? Il faut protéger le Louvre. Mais oui, Fleur, oui. Excellente proposition. J'ai pensé mettre un bracelet électronique à la Vénus de Milo. Très bien. C'est débile, ça celui-ci. On s'y est mis à plusieurs. Très bien. Vu qu'elle a pas de bras. Elle a pas de bras ? Non. Et comme les bracelets électroniques se mettent à la cheville... Quoi ? Les bracelets se mettent à la cheville, mais dans bracelet, il y a bras ? Je vais m'occuper du Louvre aussi. Très bien, mon petit Bernard. Et pour les salles de concert ? Là, je sais, on va obliger tous les groupes à jouer du reggae. Ah bon, pourquoi ? Avec le nuage de fumée de marijuana, ça va compliquer la tâche des terroristes. Ah, oui. Si je peux me permettre, en tant que ministre de l'Intérieur, la marijuana, ça m'arrange pas. Ah oui, Bernard a raison. Ça vous ennuie de vous en occuper, mon petit Bernard ? Bon, bah si c'est vous qui me le demandez. Bon, on avance bien, Fleur. Et pour les théâtres ? Ah là, j'ai une super idée. Non. Si, on fait faire le service d'ordre par des intermittents du spectacle. Très bonne idée, Fleur. Vous pensez, mon petit Bernard ? Ah oui. Ah bah c'est, alors c'est une excellente idée, Fleur, et puis ça règle le problème des intermittents. Ah ouais, j'ai réglé un problème ? Ah, j'ai l'impression. Eh ben voilà, moi c'est en voyant ça que je crois encore à l'humanité. Bon, je c'est sais méchant. Pas si les subventions vont tomber. C'est méchant. Hein. Isabelle Jourdain, moi, vous êtes courageuse parce que... Voilà, l'Unifrance, j'imagine, dépend quand même du ministère de la culture. Non, mais une seconde de sérieux. Moi, je m'insurge un peu contre le côté, il faut qu'on arrive à tout faire quand on est ministre. Il faut avoir lu tous les livres, vu tous les films, etc. Mais bien etc. sûr, mais évidemment. Et comme par hasard, surtout quand on est une femme, bah, moi, je dis non, on n'est pas des superwoman. On peut se coucher le soir après une journée de voilà, on a bossé pendant 20 heures. Ça s'appelle du second degré. On peut pas degré. Avoir lu tous les livres comme Clara. On s'en parle. Ça sent un tel esprit pervers d'Alex Villerec aussi. Je plaide coupable. Et c'est un gouvernement qui a jamais fait autant pour la culture, rappelez-vous quand même. Je rappelle toujours qu'on s'empare toujours de l'image médiatique des personnes et non pas des personnes elles-mêmes. C'est toujours bon à rappeler. C'est vrai. Et bravo. Le second degré, ça fait du bien, surtout en ce moment. Merci beaucoup Isabelle Jourdain. Je vais virer, c'est tout. Ouais, non, on vous viendrez nous voir. Je rappelle aussi Cinéma pour tous, hein, l'association d'Isabelle Jourdain. Oui, cinémapourtous.fr. Allez, on se retrouve demain. Puis voici le mot de la fin qu'on porte au regard neuf que nous portons sur la maréchaussée. Et vive. S'il vous plaît. Oui, je vous le donne tout de suite. Et c'est curieux ce qui m'arrive, mais la nuit dernière, j'ai rêvé que je me faisais arrêter par un charmant officier de police. Et ensuite, enfin, il vaut peut-être mieux que je ne vous dise pas la suite.